spectacle, il est pas presque combat. C'est pas pour passer par la rue bois. Que je grave le mal. C'est pour fumer le bitume que la rue bat le système. C'est ça que j'aime et qui me met moi et plus mon mur. C'est pour ça que j'y vais sans filet, je progresse encore dans le noir. J'y mets des mondes de cœur que j'ai pas besoin d'y voir. Non, pas besoin d'auditoire. Tout se passe à l'intérieur, c'est total. Live, live, showtime avec de la rigueur. Tu veux dire pas de temps pour les sceptiques. On se rabatte dans les bacs. Alors dites, prêt à tout foutre en orbite. C'est sinister. C'est comme ça que moi t'en m'incrite. Toujours plus vite de wind damage que les leurs. Avant, je suis prêt pour le clash. Que pour botter des culs, j'ai pas besoin. Sur le mic, hein. Ce que je kiffe, moi, c'est les gens fâchés qui sont prêts à cracher des lyrics d'orage. Mais voilà pourquoi je suis bas dans les bacs. Toujours aussi frac. Sur le mic, balance des dédicaces en vrac. C'est big up au PSY. KO à la fronde, à Ninja Eyes et robots. Question, faut pas faire dolo. Évitez plutôt, on peut pas te faire bobo. Respecte aussi Zoxil, Black Tag Apollo. Solo, sur le beat, j'en ai. Casse à l'unatique, casé et sacré. Basta flex side, papalou. Big up à tous les fous, les crous. Autres c'est un pédo. Danny Bosta, Tracy, je remercierai jamais assez mes amis. Mes collègues du tatami. Back dans les back. Contact.